quand j'étais à l'usine, toujours il y avait des copains et ils me disaient « Rêve, t'as de l'art, hein ?» Tu vois bien que tu gênes. Parce que moi, à l'usine, j'étais à l'entretien. Alors je passais avec ma serpillière et m'emballais à prendre les machines. Puis alors, les gars, ils me disaient « Rêve, t'as de l'art, hein ?» Avec ta tête avant de délasser. Alors moi, j'osais pas répondre forcément parce que c'était des gars qui étaient au-dessus de moi et il y avait les manœuvres spécialisées. Il y avait les OS, les P1, les P2, les P3. Alors, vous savez, c'est ce que c'est sitôt qu'on a un peu quelque chose dans la vie. Ces manœuvres spécialisées. Alors, l'autre qui est en dessous, on le vexe un peu, sans s'en rendre compte d'ailleurs. On s'en rend pas compte, mais on vexe toujours celui qui est en dessous de vous. Moi, je suis le cantal, je sais que je vexerai jamais personne. Alors, il arrête de là. En douille. Avec ta tête avant de délasser. À force d'entendre ça, j'étais obnubilé par cette fraternité de vendre des lacets. La nuit, je me réveillais en sursaut, je me voyais en train de vendre des lacets. J'ai fini par en vendre des lacets. J'ai ouvert le bottin, j'ai cherché les lacets en gros. Vous ne pourrez pas vous acheter des lacets ici, pourquoi pas au contraire. Alors, à crédit, on a vendu. Et alors, samedi après-midi, à l'usine, on ne travaille pas. Le samedi après-midi dans les usines, on ne travaille pas. Non. Je vous assure que non, non. Alors, sur le trottoir, je mettais ma chaise, puis je mettais mes lacets. Je les avais pas sitôt mis, paf, c'était déjà vendu. Et hop, le petit bénéfice pour ma pomme. Et eux, toujours à l'usine, le lundi matin, ça recommence. Enlève-toi de là, avec ta tête à vendre des lacets. Et le soir, je remettais ça. Vendais des lacets, c'est fou ce que j'ai pu vendre comme lacets. Après, j'ai acheté une petite machine à main pour faire mes lacets tout seul. J'ai acheté mon fil à Roubaix. Et après, j'ai acheté une machine électrique d'Italie qui faisait les lacets tout seul. J'en fais vendre par toute la famille, tous les chefs représentants. Et moi, hop, la monnaie dans ma poche. Alors maintenant, quand je retourne à la sortie de l'usine, dans ma Cadillac, et que je vois les copains, alors je leur donne une paire de lacets.